mis en gaieté. Mon cher, dit l'élégant Mercutio, je parie que la reine Mab t'aura visité. Mab, la messagère fluette légère, elle a pour charme une coque de noix que l'écureuil a façonné. Les doigts de l'araignée ont filé ses harnois. Durant les nuits, la fée, on se met sur équipage, galope follement dans le cerveau d'un page. Il rêve, spiegle tour, au mal sérénade au clair de lune sous la tour. En poursuivant sa promenade, la petite reine s'abat sur le col bronzé d'un soldat. Il rêve colonnade et vives estocades, le tambour, la trompette, il s'éveille et d'abord gire, et puis on gire toujours, puis se rendort et ronfle avec ses camarades. C'est Mab qui faisait tout ce bacchanal. C'est elle encore qui dans un rêve habille la jeune fille et la ramène au bal. Mais le coq chante, le jour brille, Mab vit comme un éclair dans l'air.